Je fais quoi en fait? Je me mets comment? Bah, je te montrerai, t'inquiète pas, tu poses normalement et attends ça. Bonjour! Ah, elle m'a fait peur. Ouais, ça veut dire que vous faites? Bah, rien, on discute. Vous discutez de quoi? On débrief, la soirée de la veille. Et alors, ça donne quoi? Bah, c'était cool. Ça donne que t'es chaude. J'étais chaude. C'était trop chaude. J'étais chaude comment? Bah, je sais pas, tu te souviens pas? Non. Je sais pas. Quoi? Bref. Non, en vrai, je vous observe tout à l'heure. Tu quoi? Vous observez. Ah ouais? Bah oui. Qu'est-ce que t'as observé? Bah, j'ai observé vous parler sans moi. Sans toi ou sur toi? J'ai pas l'autorisation de... Sans moi, non, pas encore. Bien, madame. Je te la donnerai dispo. Ultérieurement. Ultérieurement. Mais pas sans moi. Ah, sinon, tu parles de moi. T'es jalouse en fait. Non, je suis pas jalouse. T'es jalouse qu'il me parle ou t'es jalouse que je lui parle? On sait pas trop, tu vois. Il n'y a pas de réponse. C'est les deux, vu que t'es bi, t'es jalouse autant. Voilà, c'est ça, exactement, t'as tout compris. T'as tout compris. Et t'as tout compris. Arrête. Arrête. Pas l'été. Allez, qui vers de toi. Fais-moi celui-là, s'il te plaît. Juste le temps que je pense pour toi. Fais-lui son œuvre. Et si je lâche, là? Non, t'as pas intérêt à lâcher. Non, toi. Profite pas de toi. Tu hein. Fais ça. Bah, je te dis à mes deux. Il prend les deux. Tiens, ami. Calme-toi. C'est pas trop la belle. Calme-toi. C'est pas trop la belle. Va t'arranger, t'es bourré, toi, encore. On rentre. Dégage. Arrêtez, personne. Allez, stop. Mais tu m'as pas assez vu. Allons décuver sur serviette. Je t'ai même pas vu. Contre toi? Ouais, mais ça va. Arrêtez. Je Arrêtez là. T'as vu, mais elle est jalouse en fait. Ouais, elle est jalouse parce là. Que je parle à un homme, c'est ça? Mais pas l'histoire du tout. Est absolument terminée. Que vous voulez. L'histoire est terminée. Ok. Notre histoire n'a même pas commencé au début. Je sais pas. Keeps me alive. So why does this still hurt? Don't blow your mind with why. Oh, It's what keeps me alive.